La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Hier, ici même, nous avons découvert ensemble les organismes intraterrestres qui vivent dans les grandes profondeurs du globe, des micro-organismes qui représentent 70% de tous les microbes existants sur Terre. Et cet après-midi, eh bien, nous poursuivons la découverte de ces communautés microscopiques avec les bactéries du sol. Des chercheurs français de l'écologie microbienne de l'INRA viennent en effet de publier un atlas français de ces bactéries et ils dévoilent leur incroyable foisonnement. Un seul gramme de sol peut en effet contenir plusieurs milliards de bactéries et plusieurs millions de champignons. C'est donc l'objet cet après-midi de notre tête au carré pour vous proposer un panorama des communautés bactériennes et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et Louise Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, des impacts d'astéroïdes plus nombreux qu'avant sur Terre. Oui, depuis environ 300 millions d'années, la Terre reçoit 2 à 3 fois plus d'astéroïdes qu'avant. Mais pas de panique Mathieu, on devrait s'en sortir. Merci. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui aux anti-inflammatoires. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Chantal de Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. À la découverte des bactéries du sol, donc dans un instant avec mes invités que je salue, l'écologue Lionel Rangard et le microbiologiste Marc-André Sellos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue Lionel Rangard, vous avez donc participé avec plusieurs chercheurs à l'élaboration de cet inventaire des communautés bactériennes du sol français métropolitain, il faut le préciser tout de suite. L'idée c'était de proposer un état des lieux exhaustif de toutes les espèces bactériennes. Alors oui, c'était de faire une sorte de T0 en fait, de la diversité microbienne des sols français, donc à l'échelle du territoire, avec des notions de cartographie, d'inventaire, et aussi de suivre après, en monitoring en fait, l'évolution de cette diversité microbienne pour voir un petit peu si nos modes d'usage à venir vont l'améliorer ou au contraire vont continuer un petit peu à l'altérer. Ça n'avait jamais été fait auparavant ? Jamais, ni en France ni ailleurs d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi juste la France métropolitaine ? Alors parce que les autres territoires sont sensiblement différents ? Alors l'ouvrage prend en compte que la France métropolitaine aujourd'hui, mais en fait les territoires d'outre-mer sont pris en considération, la Corse aussi bien sûr. Mais les études sont un petit peu retardées, donc il y aura sûrement une réédition avec une mise à jour de l'Atlas, avec toutes les cartes au niveau des îles françaises, qui sont plutôt sur des systèmes tropicaux aussi un petit peu particuliers par rapport au système tempéré métropolitain. On pourra en dire quand même quelques mots ensemble tout à l'heure. Marc-André Sellos, donc hier ici, hein, on parlait de ces micro-organismes intraterrestres, pour dire aussi à quel point on découvrait l'ampleur hein, de ces microbes des grandes profondeurs. Est-ce que les bactéries du sol, c'est un petit peu la même chose ? Est-ce qu'il y a tout à découvrir au fond sur le sol ? Alors, c'est l'histoire de tous les milieux qui nous entourent qui sont pétés de bactéries, hein, faut le dire. Et c'est en particulier effectivement le cas du sol qui est effectivement pratiquement 115 000 espèces dans cet atlas. Hein. Ouais. Pour mémoire, les oiseaux, on est à 570 espèces, les mammifères, 190 espèces. La diversité, elle est là et les écosystèmes terrestres, c'est eux. Et comme on ne les a pas bien regardés du point de vue bactérien, il y a beaucoup à découvrir, oui. Ouais, donc c'est largement méconnu encore aujourd'hui. Il y a énormément à faire pour savoir ce qu'elles font maintenant. Ouais. Ces bactéries du sol, là, sous nos pieds, sont très spécifiques. Il y en a qui sont, j'allais dire, amphibies, hein, qu'on retrouve dans d'autres organismes, dans les plantes. Et puis il y en a qui sont spécifiques au sol et qui mènent des activités très très spécifiques au sol. Oui. Ah, on parle d'activité alors, ouais. Ça peut ressembler à quoi, une activité bactérienne par exemple ? Une activité toute bête par exemple, c'est de prendre l'azote qui est dans l'atmosphère et d'en faire des protéines. Et c'est ça qui crée dans les sols le stock d'azote qu'il va y avoir dans les sols. Parce que au départ, dans la roche qui est sous le sol, il n'y a pas d'azote. Voilà une des activités, un des rôles qu'elles ont. On peut parler de service écosystémique, une action qui permet le fonctionnement des écosystèmes. Donc chaque bactérie a son petit boulot à faire, on pourrait presque dire les choses vulgairement comme ça. En tout cas, beaucoup ne sont pas neutres dans ce qui nous touche de près. Allez, on va étudier donc les bactéries du sol ensemble dans un instant. Et puis bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le hashtag l'attaque. Alors ça, c'est notre anomalie à 16h... Arrêtez de nous fasciner avec vos anomalies. De quoi s'agit-il ? C'est un astéroïde. Quelle est sa taille ? D'après nos premières estimations, il aurait 97... Il est grand comme le Texas, monsieur le Président. C'est cela. Est-ce que vous avez une idée précise du risque ? Le risque ? Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. la fin de l'humanité. Où qu'ils viennent à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie. Voilà comment on fait la transition entre les astéroïdes et les bactéries. Ben oui, évidemment, Fanny Boyon pense à tout. Pour parler donc à la une de la science aujourd'hui avec cet extrait d'Armageddon de cette étude d'Héloïse Rambert où on évoque les risques justement autour des astéroïdes. Et ça pourrait d'ailleurs inspirer d'autres réalisateurs de blockbusters hollywoodiens. Hein. Oui, il y a de quoi Mathieu. En fait, c'est une étude dans Science qui nous l'apprend alors qu'on pensait que depuis 4 milliards d'années, le flux d'impact d'astéroïdes dans le système solaire était à peu près constant. Il aurait en fait doublé, voire triplé depuis 290 millions d'années. Alors, sur le papier, c'est un peu préoccupant, mais on va en parler tout de suite avec l'astrophysicien Patrick Michel qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes astrophysicien, comme je le disais, et aussi directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors, comment est-ce que les scientifiques se sont aperçus d'une telle augmentation? Parce que nous, de notre côté, a priori, on n'a rien remarqué de particulier. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Oui, alors heureusement d'ailleurs. Non, en fait, c'est parce qu'ils ont analysé les données d'une mission qui a observé la Lune, la mission LRO de la NASA, et ils ont compté les cratères plus grands que 10 km de diamètre sur la Lune, ainsi que leur âge qu'ils ont pu estimer, en sachant qu'en fait, les impacteurs qui impactent la Lune sont la même population que ceux qui impactent la Terre. Mmh. Et ils ont pu ainsi constater que depuis 290 millions d'années, eh bien, il y a une augmentation du taux d'impact d'un facteur 2 à 3 par rapport à ce qu'il était il y a plus de 290 millions d'années. Alors, comment on explique une telle augmentation? Il y a une hypothèse qui fait consensus? Oui, alors disons que déjà les astéroïdes viennent pour la plupart d'une région qui s'appelle la ceinture principale, qui est entre Mars et Jupiter, hein, c'est un espèce d'anneau dans lequel il y a des astéroïdes. Ils sont nombreux, ils rentrent en collision les uns avec les autres, et de temps en temps, quand une collision se produit, ça émet un grand nombre de fragments qui peuvent être placés sur des zones très instables qui les envoient vers la Terre. Alors ils ne sont pas tous envoyés immédiatement vers la Terre, ça met quelques millions d'années, mais quand une telle collision se produit, eh bien ça émet un nombre de fragments plus grand que ce qui vient d'habitude vers la Terre et ça peut éventuellement augmenter le taux d'impact de ce facteur 2 ou 3. Et maintenant, on cherche d'ailleurs le coupable dans la ceinture. Donc là, il y a une sorte de pic, quoi. Ça va monter et puis ça va revenir à la normale rapidement. Alors c'est ce qu'on pense, oui, parce que avant 290 millions d'années, le taux d'impact était plus faible. Il était en effet à peu près constant jusqu'à à peu près 650 millions d'années. On a remonté à peu près à ça. Après, on n'en voit plus, notamment sur la Terre. On pense que ça, ce sont des phénomènes d'érosion qui les font disparaître. Mais effectivement, ça peut expliquer. Et d'ailleurs, de façon régulière, hein, il y a des collisions dans la ceinture qui créent ce genre de ce qu'on appelle famille d'astéroïdes, qui sont des groupes d'astéroïdes qui partagent les mêmes positions et la même composition. Et dont on pense qu'il vient d'un corps plus grand qui a été détruit. On a recensé une vingtaine de ces familles qui sont toutes âgées de plus de, ça peut aller de très jeunes à très vieilles. Et donc à chaque fois qu'une de ces familles est produite, eh bien on peut imaginer qu'on a une petite augmentation temporaire, enfin sur des échelles de temps géologiques, qui contribue à augmenter le taux d'impact dans le système solaire interne. Est-ce que ces nouvelles données, donc cette augmentation d'impact, ça pourrait expliquer des grands événements terrestres comme la disparition d'espèces? Je pense aux dinosaures par exemple. Alors les dinosaures, c'est l'impact d'un objet de 10 km de diamètre, dont le cratère est au Mexique, au Yucatan, qui fait 180 km, il est enfoui. Alors, je ne sais pas si ça peut expliquer vraiment le doublement peut expliquer ça. On sait que ce genre d'impact se produit à peu près tous les 100 millions d'années, c'est-à-dire des impacts d'astéroïdes aussi gros que 10 km qui peuvent faire éteindre des espèces. Et on a d'ailleurs recensé plusieurs disparitions d'espèces. Alors, faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes dues à des astéroïdes, mais même sans ce doublement des impacts, on peut très bien imaginer, parce qu'on a quand même beaucoup d'astéroïdes, que de gros astéroïdes, tous les quelques 100 millions d'années, tombent sur Terre et y contribuent. Donc je dirais que c'est pas nécessairement lié. On peut quantifier maintenant le risque de prendre un astéroïde sur la tête avec ces nouvelles données ou pas? Est-ce que ça reste très très très peu probable? Oui, alors ça dépend de la taille à laquelle on parle. Donc pour des objets très petits, par exemple, il tombe 10 000 à 100 000 tonnes de matériaux par an sur Terre, mais bien sûr sous forme de poussière. On a de temps en temps des événements un peu plus violents. On a eu l'explosion d'un météore au-dessus de Chelyabinsk en Russie en 2013 avec une énergie équivalente à 35 bombes d'Hiroshima dans l'atmosphère, et ça a pulvérisé ça fait des débris de glace sur la ville et ça fait 1000 blessés, mais ça reste très très très marginal, parce qu'en fait ce genre d'impact se produit tous les siècles, des objets d'une trentaine de mètres de diamètre, et pourtant c'est la première fois que ça se passait sur une zone habitée. Ce qui nous préoccupe plus, ce sont les objets qui font plus grand que 100 mètres, qui sont plus grands que 100 mètres, parce que là, peu importe où ils tombent, ça fera des dégâts qui atteindront des zones habitées, mais les fréquences d'impact sont d'une dizaine de milliers d'années. Donc c'est quand même le risque naturel le moins probable, heureusement, par rapport à tous les autres risques auxquels on a affaire sur Terre. Et puis il y a un avantage, c'est qu'en fait, on pourrait le prévenir et voire même l'éviter avec des moyens qui sont raisonnables, qu'on connaît, mais qu'il suffit de mettre en place. Donc c'est un message rassurant. Mais vous pensez à quoi alors en l'occurrence? C'est quoi? Parce que moi je pensais à Armageddon tout de suite, mais vous pensez à quoi pour lutter contre un astéroïde? Bruce Willis coûte trop cher. Oui, c'est donc, ça. Ouais. Puis on va pas les sacrifier quand même. Donc on essaie d'éviter de sacrifier des êtres humains pour en sauver d'autres. Donc il y a deux choses à faire. Il faut faire l'inventaire de ces objets, et ça on peut le faire depuis l'espace. D'ailleurs, un projet de la NASA appelé NEOCAM est en train d'étudier ça. Donc on envoie un satellite, on fait l'inventaire à peu près en 5 ans de tous les objets plus grands que 100 mètres. Mm-hmm. Donc avec ça, déjà on peut prédire est-ce qu'on va, il va y avoir un impact dans un futur proche. Ensuite, il faut faire un test de déviation pour s'assurer qu'on a une technique pour dévier l'astéroïde. Et il se trouve qu'on est en train de travailler là-dessus. Je suis même responsable de la composante européenne étudiée à l'Agence spatiale européenne d'un projet avec la NASA qui consiste à envoyer deux satellites, un de la NASA qui taperait sur un astéroïde et l'autre de l'Agence spatiale européenne qui observerait la conséquence de cet impact et vérifierait si ça a bien produit une déviation. Donc en gros, on utilise un projectile, on tape sur un objet, toi là que je m'y mette, et il suffit de le déplacer un tout petit peu pour qu'il rate la Terre si on le fait bien à l'avance. Alors ça marche sur le papier, mais il faut le tester. Et si on fait ces deux choses-là, l'inventaire des objets et on a un test de déviation effectué, eh ben voilà, un risque qui était déjà pas très grand, qu'on pourra écarter, et en plus on apprendra beaucoup de choses sur ces objets. Donc il faut se rappeler, les astéroïdes, que ce sont les pierres de nos origines, hein, ce sont les briques, les restes des briques qui ont formé les planètes, mais qui, contrairement aux planètes, ont gardé la mémoire de la composition du système solaire initial, et ont d'ailleurs, elles n'ont pas de bactéries, les astéroïdes, eux, mais par contre, ils ont pu contribuer à apporter tous les éléments qui ont favorisé l'émergence de la vie sur Terre. Donc, ils ont aussi plein d'aspects positifs. Merci pour cette transition habile, Patrick Michel, puisqu'on va parler bactéries dans un instant. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et directeur de recherche au CNRS, à cet observatoire de la Côte d'Azur. Merci beaucoup à vous. Héloïse, à demain. À demain, Mathieu. Et dans le reste de l'actualité scientifique, en Chine, une deuxième femme enceinte à la suite de l'expérimentation du chercheur qui prétend avoir donné naissance au premier bébé génétiquement modifié. Une enquête menée par le gouvernement provincial du Guangdong au sud du pays a confirmé l'existence de cette femme et sa grossesse. Les autorités chinoises ont annoncé que le scientifique allait être visé par une enquête policière. Il avait provoqué un tollé, vous en souvenez, dans la communauté scientifique en novembre dernier, en annonçant la naissance de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au VIH. Plus de la moitié des espèces de café sauvage menacées d'extinction, c'est ce que nous explique une étude des jardins botaniques royaux de Kew à Londres, menée dans plusieurs forêts africaines. Et sur 124 espèces de café sauvage, 75 sont menacées par la déforestation, le réchauffement climatique et la propagation de maladies et d'espèces nuisibles. La plupart des cafés sauvages ne sont pas buvables, mais ils sont utilisés pour rendre la culture de café durable. Ils peuvent renfermer des gènes utiles pour développer des plants de café résistants aux évolutions de leur environnement. Et puis Juno, la sonde de la NASA, a capturé une nouvelle image de Jupiter alors qu'elle effectuait un survol rapproché de la planète géante à environ 35 000 km au-dessus de ses nuages. On peut y voir la remarquable grande tache rouge qui est en fait un anticyclone géant de plus de 16 000 km de diamètre, mais aussi une autre tempête massive deux fois plus petite appelée Oval Bea. Juno avait déjà pris un cliché d'Oval Bea il y a un an. Les scientifiques ont remarqué qu'elle s'était transformée ces derniers mois, passant d'une couleur rougeâtre à un blanc plus uniforme. Les bactéries du sol, dossier dans un instant. Dance in my underpants, I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I fantasize, I call it quits, I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score. Or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought. Arctic Monkeys, à l'instant, One Point Perspective. La tête au carré sur France Inter. Voilà, un atlas français des bactéries du sol vient d'être publié chez Biotope Éditions avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et c'est le dossier de l'émission cet après-midi. Donc pour découvrir ces communautés bactériennes de nos sols qui visiblement vous passionnent, si j'en juge par le nombre de questions qui arrivent déjà sur le site de l'émission. Donc vous nous retrouvez sur franceinter.fr bien sûr pour poser vos questions à nos invités. Lionel Rangard, au-delà de justement de faire l'inventaire de ces communautés bactériennes du sol, quelle était, racontez-nous un peu l'idée pour vous au départ avec votre équipe en publiant cet ouvrage? Tout d'abord, c'est un processus de recherche qui date d'il y a 15 ans, donc qui a été initié il y a 15 ans, notamment grâce à l'ADEME, qui a été un des premiers soutiens, notamment financiers, puis grâce aussi à des structures de recherche, dont une qui s'appelle le GISSOL, qui est gérée par l'INRA, les ministères de l'Agriculture, de l'Écologie, et puis aussi l'ADEME. Et en France, on a l'opportunité d'avoir un réseau d'observation des sols relativement intensif à l'échelle du pays. Et on avait aussi des équipes de recherche, dont à Dijon, qui avaient développé des outils de caractérisation. Donc la combinaison des deux, avec 15 ans d'études, a permis justement la parution de cet atlas et ses inventaires microbiologiques à l'échelle nationale. Et ce réseau de surveillance, il ressemble à quoi alors concrètement sur le sol français? C'est un maillage avec un point tous les 16 kilomètres, une maille systématique qui a été simulé pour capter en fait toute l'hétérogénéité des sols, des modes d'usage et des climats en France. Alors vous disiez tout à l'heure, ça n'avait jamais été réalisé, il n'y avait pas eu d'inventaire, nulle part dans le monde on s'intéressait justement à ces peuples microbiens des sols. Alors il y en a, mais ils sont souvent avec a priori, là on est sans a priori, ils ne sont pas aussi intensifs. 2200 sols à l'échelle de la France, c'est relativement un des plus importants, un des plus intensifs. Et surtout, c'était d'abord des inventaires un petit peu physico-chimiques, pédologiques des sols, et le côté biologique et notamment microbiologique était une première. Donc on a été les premiers en France à avoir un peu un rêve fou il y a 15 ans de vouloir faire des cartes nationales de la diversité microbienne, et on y est arrivé. Alors Marc-André Selloge, justement, si on remonte un petit peu dans l'histoire, à partir de quand justement est-ce qu'on a découvert les bactéries du sol? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où on s'y est intéressé, où elles ont été découvertes? Ah bah elles ont été découvertes très très tôt, dès la fin du 19e. En fait, la prise de conscience qu'il y a des bactéries dans le sol commence avec les travaux pasteuriens. Il y a à l'Institut Pasteur, par exemple, des gens qui vont très très tôt travailler sur celles des bactéries du sol qui, on le disait tout à l'heure, transforment l'azote de l'atmosphère en protéines, notamment dans les légumineuses, dans ces plantes qu'on appelle les légumineuses, et qui sont des bactéries du sol. Donc, ça remonte très loin. Et d'ailleurs, ça a contribué sans doute à donner sa mauvaise réputation au sol, parce que c'est quand même dans un contexte, ce contexte où on découvre qu'il y a des bactéries dans le sol, où on identifie quand même beaucoup les bactéries à des maladies. C'est incroyable, ça, quand même. C'est quelque chose qui colle encore, quand même, à l'image des micro-organismes. Ça colle à l'image des micro-organismes, ça colle à l'image du sol qui est quand même un compartiment, on va peut-être y revenir, c'est le milieu terrestre, c'est le sol. Tout ce qu'on en voit, nous, c'est que des végétaux et des animaux qui vivent sur le sol, mais à partir du sol. Et c'est effectivement, le sol en plus, c'est l'endroit où on met les morts. Donc on a non seulement d'un côté des microbes qui ont une mauvaise réputation, parmi les microbes il y a notamment ces bactéries qui font l'objet de cet inventaire, puis des champignons et d'autres choses, mais ils ont plutôt mauvaise réputation. En plus le sol c'est un truc dégoûtant où on met les ordures et les morts. Et en fait du coup on a fermé les yeux sur ce qui est le cœur de la biodiversité de incroyable. Nos écosystèmes. Oui, c'est ça, on est au cœur de la biodiversité tout simplement, finalement, donc avec un écosystème ultra important. Et quand on parle de sol, Lionel Rangard, on parle de quoi alors exactement? Quelle est l'épaisseur de cet écosystème-là? Le sol, par définition, d'un point de vue pédologique, c'est l'altération de la roche qui est en dessous, et des fois il fait quelques centimètres d'épaisseur, des fois quelques mètres, mais c'est jamais très profond. Et quand on regarde en termes de biodiversité, tout se joue dans les premiers centimètres, dans les 30-50 premiers centimètres. Pour les micro-organismes, c'est vraiment les 30-50 premiers centimètres parce que c'est là qu'il y a l'oxygène, c'est là qu'il y a le carbone organique. Quand on parle d'autres organismes comme les vers de terre ou de la faune du sol, on peut descendre un peu plus profondément pour en trouver. Mais en fait, on a vraiment une décroissance très rapide de l'abondance et de la biodiversité dès qu'on part de la surface. Ouais, on disait tout à l'heure justement la contenance, enfin la fréquence de ces micro-organismes dans un seul gramme, c'est absolument hallucinant Hallucinant, c'est un réservoir de diversité, mais c'est aussi un réservoir génétique. Et c'est ça qu'il faut considérer. Parce que c'est un patrimoine en termes de biodiversité, un inventaire va permettre de voir si on en perd ou si on en gagne, parce qu'on peut en générer aussi très facilement de la diversité microbienne, sur les temps de génération courts. Mais aussi, il y a des gènes qui portent, comme on disait tout à l'heure, des activités. Ces activités sont des services. Les plus grands, c'est la fertilité naturelle, c'est la dépollution, c'est le stockage ou le déstockage du carbone, donc des choses qui nous touchent directement, nous, en tant que société humaine. Ouais, Marc-André Selloge, cette notion de service éco-systémique, c'est ça? Oui. C'est très important, finalement. Ça nous intéresse, nous, au premier chef, les humains. C'est énorme. Deux exemples qui sont vraiment énormes. On balaye jamais en forêt. Pourtant, en ville, on est obligé de balayer. C'est quoi la différence? C'est que les feuilles qui tombent en ville, ou les déchets qui tombent en ville, tombent sur du macadam. En forêt, ou même dans un champ, ils tombent sur du sol avec des microbes, qui en fait vont boulotter tout ça, en faire à la fois du sol, le respirer, refaire du CO2. Et ce nettoyage naturel, c'est notamment les bactéries du sol. Un autre exemple, les sols ont la main sur le réglage du radiateur sur Terre. Les gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane sortent très largement des sols. Et selon qu'il y a des sols effectivement qui sont favorables à la production de méthane ou pas, que la matière organique qui est dans les sols est très vite respirée ou pas, c'est un des contributeurs majeurs à l'effet de serre. Ce qui pose d'ailleurs des gros problèmes aujourd'hui où on irrigue beaucoup et où on crée des sols où il y a peu d'oxygène à cause de la présence d'eau et qui sont des sols qui produisent du méthane. Alors justement, il y a deux questions qui font écho à ce que vous venez de nous dire, Marc-André Selloge. Il y a celle de Patrice qui nous dit, voilà, il est préconisé de retirer les feuilles mortes de son verger pour éviter les moisissures, mais celles-ci vont constituer l'humus qui nourrira les arbres via les bactéries. Que faire, Lionel Rangard, pour répondre à la question de Patrice? C'est encore un peu la vision, comme on disait tout à l'heure, il y a quelques micro-organismes qui sont néfastes, les moisissures, les choses comme ça, et puis l'immense majorité est bénéfique. En fait, il faut laisser la restitution de la matière organique au niveau du sol, donc par les feuilles, les litières, les débris végétaux, les déjections, parce que ça nourrit le sol avec de la matière organique, ça nourrit les organismes du sol, et ces organismes, ils vont se multiplier, ils vont faire de la diversité, et puis ils vont exprimer leur activité, et ça va faire de la fertilité naturelle. Donc, plutôt que de rajouter des engrais, que ce soit pour les vergers ou pour un jardinier ou pour les grandes cultures, il faut amener de la matière, déjà laisser la matière organique naturellement qui arrive, et puis en amener, si on veut, améliorer aussi le remplissage du frigo, du sol, pour que les organismes se développent. Et puis l'autre question pour vous, Marc-André Sellos, par Jean sur franceinter.fr. Certains spécialistes estiment que la fonte du permafrost pourrait libérer des organismes et autres bactéries très toxiques pouvant conduire à une pandémie. Qu'en pensez-vous ? Bah, j'en pense que la déforestation qui met l'homme en contact avec des écosystèmes où il n'était pas avant, ou les transports aériens qui transportent aussi des bactéries avec les passagers, sont aussi des grands périls. Et je suis pas sûr que une bactérie Hibernatus, hein, qui se voit décongeler brutalement, va retrouver autour d'elle des hôtes, mettons que ce soit une bactérie pathogène, qu'elle va avant trouver des plantes ou des animaux qui sont encore réceptifs. Je pense pas que ce soit le plus grand danger. Par contre, justement, la décongélation du permafrost, ça crée un de ces sols humides où les bactéries ne peuvent pas respirer avec de l'oxygène, donc elles respirent avec du CO2, avec comme produit du méthane. Ouais. Et la décongélation du permafrost... C'est le relargage du méthane, par exemple. C'est le relargage du méthane, et c'est une contribution essentielle à l'effet de serre. Oui. Ouais, donc là, il faut s'en inquiéter, effectivement. Dominique nous dit, quelle différence entre les microbes et les bactéries? Tiens, qui sont toutes simples, mais utiles. Bah, les microbes, c'est tout ce qui est petit. Donc les bactéries sont très petites, puisque leur taille standard, hein, c'est plutôt le millième de millimètre. Les bactéries sont des microbes. Mais il n'y a pas que des bactéries parmi les microbes. C'est aussi des champignons, d'autres bestioles qui mangent des bactéries, tout un tas de choses qui échappent à l'observation à l'œil nu. Mais les bactéries sont quand même numériquement, en nombre d'espèces et en nombre d'individus, si j'ose dire, les plus abondantes. Alors, on va écouter un son, justement, extrait du journal de France 2, il y a quelques jours à peine, au sujet, justement, des sols qui sont dans un état absolument déplorable. On va écouter ça et vous le commenterez juste après. De fortes pluies orageuses se sont abattues sur le Finistère. Résultat, la terre de ce champ a dévalé la pente, traversant même la route. C'est l'érosion, la disparition de terres fertiles. Toute cette terre-là va partir dans les ruisseaux. C'est tout le capital de l'agriculteur qui s'en va. Pour Erwan Karadek, le responsable, c'est une pratique ancestrale. C'est le labour, c'est le travail du sol qui est responsable de ce genre de choses. C'est ça qui dégrade le plus les sols en France ? Tout à fait. Quand on aura compris qu'il faut arrêter de labourer les sols, on aura fait un grand pas. Nous avons donc comparé deux parcelles cultivées. À droite, ce champ labouré chaque année. La terre est boueuse, l'eau ne s'infiltre pas. Les cultures pousseront difficilement. À gauche, un champ voisin non labouré depuis 15 ans. La terre est grumeleuse, souple et fertile. Un exemple de plus en plus rare. Alors Lionel Rangard, ça c'était sur France 2 justement en 2016, la question du labour, parce que vous l'évoquez justement dans cet atlas. Pourquoi justement est-ce qu'on le pratique alors que finalement on voit les comparaisons qui sont vraiment sans appel, quoi? On le pratique historiquement en agriculture et par rapport à des préconisations agronomiques parce que ça aère le sol, ça permet un bon enracinement, voilà. Le paradoxe, c'est que quand on travaille le sol comme ça, alors de façon un peu agressive, parce qu'il y a plein de différenciations dans le labour, il y en a qui sont moins agressives que d'autres, on va casser ce qu'on appelle les agrégats du sol, notamment les macro-agrégats, donc les maisons des micro-organismes. Mmh. Et donc, si le sol perd sa structure, sa cohésion, ça fait de l'érosion. Et en plus, on va baisser l'abondance et la diversité des micro-organismes parce qu'on va écrouler leurs maisons. Ouais. Mais les spécialistes du sol doivent bien le savoir, ça, quand même. L'érosion, ça fait un moment. On dit même qu'en France... Non, sur le labour... On dit même qu'en France, on a 20% d'érosion sur nos terres arables par rapport au labour. Après, c'est vrai qu'il y a certains sols qu'il faut continuer à labourer parce que c'est compliqué de faire de l'agriculture. Mais encore une fois, d'un point de vue mécanisation, il y a des adaptations à faire. Il faut limiter le labour par rapport à ça. Une autre chose qui est fortement associée avec le labour, c'est que souvent, quand on laboure, on a des sols nus aussi pendant une longue période, que ce soit en grande culture, pendant l'hiver notamment, ou même en vigne. On est très fortement aussi, on travaille le sol parce qu'on n'aime pas avoir d'enherbement. Si on se met à couvrir les sols, si on peut continuer à labourer, mais si on se met à couvrir les sols avec des végétaux de façon pérenne, des intercultures, de l'enherbement en vigne, on va aussi

pas que, et notamment adapter des pratiques, on a dit, hein, réduire le travail du sol, limiter les pesticides, remettre de la matière organique, couvrir les sols. Déjà, si on part sur ces principes-là, on va fortement réhabiliter la qualité de nos sols, d'un point de vue physico-chimique, hein, ouais, érosion, etc., mais aussi, bien sûr, d'un point de vue biologique. Sauf qu'on entendait, justement, cet écologue dire que le sol était mort. Est-ce que le terme est exact? Moi, je suis pas d'accord avec ce terme-là, parce que déjà, avant de tuer les micro-organismes, tous les micro-organismes d'un sol, c'est globalement impossible, même en laboratoire. Deuxième point, dans l'Atlas, il n'y en a aucun. Sur les 2200 sols français et puis les autres centaines. Il n'y a aucun sol mort. On n'a jamais trouvé de sol mort d'un point de vue microbiologique. Il y a des sols qui sont bien vivants, il y a des sols qui sont un peu moins bien vivants en France, des fois naturellement aussi, mais des fois aussi dû au mode d'usage agricole ou urbain, hein, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture, mais il y a des modes d'aménagement urbain qui sont aussi très agressifs, hein, pour la biologie du sol. Et sur la résilience du sol, Marc-André Sellos, qu'est-ce qu'on peut dire alors aussi? On peut dire que c'est sa force et sa faiblesse. Le sol, il a une capacité à répondre à des perturbations qui est incroyable. Déjà, il répond aux perturbations mécaniques. Après tout, c'est là que sont ancrées les choses. Mmh. Ensuite, c'est un isolant. C'est pas pour rien qu'on met le vin à vieillir à l'abri d'une cave. Hein. C'est que sous le sol, on est abrité des variations de température. Chimiquement aussi, par exemple, quand il tombe de l'eau de pluie, qui est de l'eau pure, cette eau se charge très vite de sels minéraux et devient une solution qui va être la solution à partir de laquelle les plantes et d'ailleurs les bactéries se nourrissent. Donc, il y a une capacité du sol à tamponner les variations qui est très forte. Et du coup, quand on a des évolutions qui commencent, on ne les voit pas à l'œil nu au départ. Elles sont lentes, elles sont au début, comme on dit, tamponnées. Et puis à un moment arrive la catastrophe où effectivement le sol n'a plus assez de matière organique, donc il s'érode complètement. Mmh. Le sol n'a plus assez de réserves minérales, donc la solution du sol n'est plus nutritive. Et effectivement, le problème, c'est que pendant un certain temps, le sol est capable de finalement affronter tous les problèmes. Et puis à un moment, il les affronte plus, et à ce moment-là, les services qu'il rend, comme l'agriculture, ne sont plus jouables. Alors justement, cette résilience aujourd'hui, en France en tout cas, la qualité du sol est plutôt bonne, donc on n'a pas trop lieu de s'en inquiéter. Je ne sais pas s'il est plutôt bonne. Nos sols agricoles font partie de ces sols qui s'érodent à des vitesses qui sont 10 à 100 fois la vitesse attendue pour des sols qui se... Tous les sols s'érodent, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que la matière parte plus vite que le sol ne se forme au contact de la roche sous-jacente. Et aujourd'hui, on est à 10 ou 100 fois ce rythme-là. Aujourd'hui, des sols de plaine, de la Beauce, s'érodent à la vitesse de sol alpin. Donc ça veut dire que même si à l'œil, nous ne le voyons pas, on retrouve ces histoires où on ne détecte pas les choses, ces sols sont en train, sur des pas de temps civilisationnels, de disparaître. Lionel Rangard. Alors, on travaille directement avec les agriculteurs via des sciences participatives et on a mis en place des réseaux d'agriculteurs avec un projet de recherche où on a co-construit avec eux les questions et les outils. C'était géré par une association, d'ailleurs, l'Observatoire français des sols vivants. Et on a fait un petit bilan d'à peu près aujourd'hui 400 parcelles agricoles réparties tout en France, en grande culture et viticulture. Le bilan, c'est qu'on a à peu près 15% des parcelles qui sont vraiment dans le rouge au niveau biologie du sol. Alors, il n'y a pas que la microbiologie, il y a aussi la faune du sol. On en a 35% qui sont dans le vert, donc très bien. Et puis, on en a 50% qui sont dans l'orange, c'est-à-dire dans une situation non critique, mais qu'il faut surveiller. C'est-à-dire qu'en France, les sols sont pas morts, notamment les sols agricoles. Ils sont même relativement bien gérés. Les agriculteurs sont vraiment dans une dynamique positive par rapport à ça. Ils sont vraiment en train d'adhérer à l'agroécologie. Mais toutefois, il faut les surveiller et regarder un petit peu comment ils vont évoluer, parce que cet orange doit tourner dans le vert et non pas dans le rouge. Et un inventaire comme l'Atlas doit aider aussi à avoir des référentiels pour ancrer une sorte de dynamique de monitoring pour voir comment on évolue dans la qualité des sols par rapport aux nouvelles pratiques qui vont arriver. Marc-André Sellos, est-ce qu'il y a, demande Chantal, une odeur spécifique au sol? Parce que quand on a une idée de la terre et de l'odeur de la terre, il semble qu'on ait cette odeur-là en tête. Et justement, l'odeur du sol, c'est l'odeur de ses habitants. Certains sols forestiers, par exemple... Donc c'est l'odeur des bactéries, c'est ça? Alors, peut y avoir l'odeur des champignons quand ils dominent, et certains sols forestiers, par exemple, sentent une molécule que connaissent bien les industriels parce qu'ils rajoutent ça dans les sauces aux champignons, l'octénol. D'autres sols, comme les sols agricoles, qui sont dominés quantitativement par des bactéries, eux, sentent une odeur, l'odeur de terre, qui est la géosmide, une molécule qui est produite par des bactéries, les actinobactéries, que tout le monde connaît d'ailleurs, ces bactéries, parce que peut-être on a l'impression d'entendre pour la première fois ce nom-là, mais tout le monde connaît l'actinomycine ou la streptomycine, qui sont des antibiotiques issus de ces actinobactéries. Ces actinobactéries sont très présentes dans les sols et on ne sait pas bien pourquoi elles émettent cette odeur. D'ailleurs, quand il a plu et que l'eau remplit les trous du sol, l'air du sol s'échappe et l'odeur de sol dilué, c'est cette odeur très particulière qu'il y a après la pluie. Ça veut dire que les actinobactéries, personne ne connaît leur nom, Tout le monde les a sentis. C'est ça, exactement. On sent des bactéries, alors, finalement, hein, quand on sent, entre autres, l'odeur du sol. D'autres questions pour vous sur franceinter.fr. Paul demande si, justement, les bactéries ont des prédateurs, Lionel Rangard. Alors, oui, le sol, c'est la jungle. Hein. C'est un peu comme tous les écosystèmes. Les bactéries, elles sont capables de tout dégrader, mais elles ont aussi des prédateurs, notamment des protozoaires, qui vont les phagocyter, qui vont les digérer, ou les nématodes aussi. Et c'est intéressant parce que c'est des relations prédateurs-proies qui rentrent dans la fertilité. Parce que quand le nématode mange des bactéries, il libère de l'azote minéral, qui est directement assimilable par les plantes. Donc elles ont des prédateurs, il y en a des milliards, donc on peut en manger quelques-unes, et en plus ça libère de l'azote nécessaire aux plantes. Thierry demande, est-ce que les bactéries ont besoin d'autres organismes vivants pour survivre, Marc-André Sellos? Déjà, elles ont besoin d'autres bactéries, parfois. Il y a des bactéries qui font quelque chose de très important dans le sol. Elles transforment l'ammoniac qui sort des cadavres et des débris végétaux en nitrates que peuvent réutiliser les végétaux. Eh bien, c'est fait en général par deux bactéries, l'une qui transforme l'ammonium ou l'ammoniac en nitrite, puis une autre qui transforme le nitrite en nitrate, et elles ont besoin l'une de l'autre parce que le nitrite est très toxique, donc celle qui produit du nitrite a besoin de s'en débarrasser rapidement, et celle qui transforme le nitrite en nitrate a vraiment besoin du nitrite. Donc voilà un exemple de coopération, et dans l'Atlas, ce qui est intéressant, c'est que, alors Lionel en parlera peut-être davantage, mais ils ont réalisé des études de sociologie des bactéries, de bactériosociologie, et on voit que on observe notamment quelles espèces sont en répulsion, quand l'une est là, l'autre n'est pas là, ou quelles espèces sont toujours ensemble, et on a deux fois plus de cas de coopération où les deux espèces sont toujours ensemble que de cas où au contraire elles se repoussent, elles s'excluent. Donc ça montre qu'il y a des dépendances déjà entre les bactéries. Lionel Rangard, alors, poursuivez sur ces études sociétales des bactéries, c'est passionnant. C'est un peu une des innovations aussi de l'Atlas, en plus de l'inventaire, c'est qu'on a fait un peu le Facebook des bactéries. Ouais. C'est-à-dire qu'on regarde un petit les amis des bactéries. Quels sont les amis, quels sont les ennemis, et par des jeux statistiques, et justement le grand nombre de sols qu'on a à l'échelle de la France, on voit quand deux types bactériens sont toujours associés ou quand ils sont jamais associés. Alors, comme le disait Marc-André, en fait, il y en a beaucoup qui sont associés parce que quand on dégrade de la matière organique, c'est pas une bactérie toute seule qui peut faire la fertilité, c'est tout un consortium microbien avec des champignons, mais aussi avec des vers de terre, etc. Et puis on a des antagonismes. Et les antagonismes, ils sont intéressants en termes de biocontrôle. C'est-à-dire que si on identifie un pathogène, par exemple microbien, bactérie, et qu'on voit qu'il n'est jamais associé avec une autre bactérie qui elle est bénéfique, on peut faire du biocontrôle, ça peut donner des pistes pour aller chercher une bactérie qui va lutter contre un autre pathogène. Et ça, dans le contexte d'agroécologie et de réduction des pesticides, c'est hyper important parce qu'on va avoir de la lutte biologique. C'est l'Atlas français des bactéries du sol qui vient de paraître. On en parle cet après-midi dans La Tête au Carré. Sans gêne, la joue des filles et les sœurs. voulez ce matin ? Jardin, c'était Canine sur France Inter. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, nos invités, Lionel Rangard, Marc-André Sellos, à l'occasion de la parution donc de cet atlas des bactéries du sol en France métropolitaine et vos messages nombreux sur franceinter.fr. Nordine demande s'il y a des bactéries au sol dangereuses pour l'homme. Lionel Rangard, est-ce qu'il faut faire attention où on met les pieds alors ? Alors, il y a des pathogènes hein, dans le sol, dont l'habitat est le sol, hein, des pathogènes animaux, végétaux et même humains. Mm-hmm. Mais c'est une infime partie de la diversité du sol. On a souvent fait un crime contre l'humanité parce que souvent on connaissait les bactéries champignons pour leur rôle pathogène, parce que voilà, on communiquait autour de la santé, mais il y en a une immense majorité qui est bénéfique. Comme on le disait, pour la fertilité, pour la structure du sol, pour la dépollution aussi. Les micro-organismes sont capables de fortement dépolluer les environnements et notamment le sol. Donc oui, il y a quelques pathogènes, mais il y a plus de bactéries et de champignons bénéfiques au niveau du sol. Marc-André Sellos aussi, il faut envisager le sol comme un écosystème qui est aussi en interaction avec l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose du tout de fermé. Au contraire, il a une influence sur tout le reste. Hein. Oui, alors ça, c'est une chose qui est importante et qui est un petit peu mal vue, mal entrevue, mal compris. Dire. Ouais. C'est que effectivement, le sol exporte l'eau qui passe dans le sol, ou au contraire même ce qu'entraîne le vent quand il y a de l'érosion, en particulier quand le sol est laissé nu dans les pratiques agricoles modernes, toute cette fertilité part dans les eaux, part dans l'air et finit par retomber ou arriver dans l'océan. Et il faut réaliser qu'une grande partie de la production de plancton et de là de poissons dans les océans, elle est soutenue par ces apports. Aujourd'hui, les apports éoliens fertilisent le cœur de l'océan, les apports des rivières et des fleuves fertilisent la bande côtière, et là, si les bandes côtières sont plus productives en poissons, c'est qu'elles reçoivent beaucoup plus de nutriments. Alors par contre, quand on empêche... Donc la pêche et le sol, finalement, c'est lié. Si on veut résumer grossièrement les choses, c'est ça. Notre nourriture vient du sol, même quand elle vient de l'eau, en fait. Ouais. Et il y a une expérience qui a été réalisée un peu involontairement quand on a fait le barrage d'Assouan, sur le Nil, où donc on a retenu et laissé sédimenter en fait toutes les particules qu'il y a dans l'eau du Nil. Eh bien, la pêche à la sardine dans le delta du Nil a baissé brutalement de 95% en 15 ans. Ouais. Incroyable, ça va très vite en plus. Hein. Oui, c'est-à-dire que les sols sont partout. C'est eux qu'on mange, même quand on pêche. Absolument. Belle formule de Marc-André Sellos. Je voudrais savoir, dit Philippe, quel est l'impact des résidus antibiotiques provenant des fumiers d'élevage, par exemple, sur la vie du sol, et quelle est la durée de vie de ces antibiotiques ? Lionel Rangard, vous avez une réponse à cette question ? Alors, je ne suis pas un expert de la durée de vie des antibiotiques dans le sol et de leur dégradation, mais ce qu'il faut savoir plus largement, c'est que tout résidu organique va être à un moment ou un autre dégradé par les micro-organismes du sol. Ils ont des capacités d'adaptation et de dégradation énormes. Mmh. Ils sont capables aussi de muter, de développer des nouvelles voies métaboliques pour s'adapter à des molécules qui arrivent dans leur environnement et qui sont une source de carbone et d'énergie. Parce qu'il faut savoir que le sol est un environnement pauvre relativement en carbone pour les micro-organismes. Et quand on met par exemple des molécules de façon récurrente comme le lindane dans les années 70 qui n'avait pas de mimétique naturelle, les bactéries ont mis à peu près une vingtaine d'années à s'adapter, mais elles ont réussi à le dégrader. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elles dégradent tout ce qu'on met dessus. Et sinon, toutes les eaux profondes, en termes de potabilité, seraient pas bonnes à la consommation par rapport à ça. Alors justement, une autre question de Jean sur le rôle de dépollution justement des sols contaminés par les bactéries. Là aussi, c'est des choses qui sont très bien étudiées aujourd'hui. Alors, c'est des choses qui sont relativement étudiées par rapport à certains types de polluants, notamment tout ce qui est contaminants pétroliers. Voilà, on a même des sociétés qui font de la dépollution en stimulant ou en apportant des micro-organismes dans les sols. Ouais. Toutefois, il y a plein de systèmes de dépollution qu'on connaît peu, notamment au niveau des nouvelles molécules qui arrivent, notamment les pesticides, etc. Et puis des fois, on a des surprises, comme le Roundup, où on pensait que ça allait se dégrader très rapidement, parce qu'en laboratoire, on avait des tests de biodégradation assez efficaces. Et puis dans la nature, ça se passe jamais comme ça. Et puis des fois aussi, les sous-produits sont plus toxiques que la molécule originale. Ah oui. Donc voilà, des fois la dégradation va pas jusqu'au bout, ou alors il y a des sous-produits qui ont un temps de résidence et on peut avoir des surprises, avec des notions aussi d'accumulation. Laurent vous pose une question, Marc-André Sellos, au sujet de notre flore intestinale, qui est un écosystème aussi, avec toutes ces espèces de bactéries, ces milliards d'individus. Les bactéries répertoriées, dit Laurent, par les scientifiques français, sont-elles les mêmes dans le sol que celle de notre flore intestinale? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut faire des parallèles? De même qu'on mange pas n'importe quoi, on met pas n'importe quelle bactérie, finalement, dans notre intestin. Il peut y avoir quelques espèces en commun entre les sols et notre tube digestif, ne serait-ce que parce que ça a une bactérie du tube digestif finissent dans le sol. Ouais. Mais globalement, nous avons quand même une microflore, un microbiote, comme on dit maintenant, une diversité microbienne très filtrée par rapport au milieu. Et je pense que même si on mangeait du sol, ce qui s'installerait dans notre tube digestif, ce serait pas exactement ce qu'il y a dans le sol. Donc, il peut y avoir des recouvrements, mais il faut aussi savoir une chose. C'est que On peut trouver la même espèce dans deux endroits. Par exemple, Escherichia coli, on en trouve sans doute dans les sols, me disait Lionel tout à l'heure. Mais c'est pas forcément la même souche. Or, les bactéries, elles ont une particularité dans leur vie, c'est qu'elles pêchent des gènes au fur et à mesure de leur vie. Elles changent génétiquement, finalement, au fur et à mesure qu'elles se développent. Ça veut dire que ça peut être la même espèce, mais pas du tout avoir les mêmes propriétés. Et ça, c'est une autre dimension de la diversité bactérienne, c'est qu'à l'intérieur même de l'espèce, il y a de la diversité. Monsieur Rangard, vous Lionel. Oui, le parallèle avec le tube digestif est très intéressant par rapport au sol, parce que c'est deux tubes digestifs, en fait, le sol et notre tube digestif, qui ont une flore abondante et diversifiée. Et nous, quand notre flore diminue et un peu moins biodiversifiée, ben on est malade. Mmh. Et c'est pareil au niveau du sol, pour le sol lui-même ou pour les plantes qui vont pousser dessus. Ouais. Et c'est pour ça que... C'est ce qu'on répète à longueur d'émission, c'est la diversité. C'est un des mots clés, finalement. Pas la diversité pour la diversité, mais une diversité aussi fonctionnelle qui va rendre, qui va exprimer des fonctions, parce qu'on peut mettre de la diversité, et cette diversité peut ne pas être fonctionnel à un certain temps. Alors Loïc demande, et ce sera une belle conclusion pour parler de cet atlas français, si on trouve les mêmes bactéries partout en France, que ce soit sur le sol de Picardie et le sol des Cévennes, ou est-ce qu'il y a de grandes différences? Et oui, visiblement, il y en a beaucoup. Hein. Oui, alors ça dépend à quel niveau, comment on dit, taxonomique, on se positionne. Sur leur diversité, justement, voilà, sur leur densité. Sur des niveaux taxonomiques très, très grossiers, on trouve à peu près tout partout. Mais si on regarde la notion d'espèce qui est toute relative chez les bactéries, parce qu'il n'y a pas d'interfécondité, il n'y a pas de sexualité, donc c'est des génomes différents, on a quand même des fortes spécificités. Et on a aussi des, et c'est aussi une autre innovation de l'Atlas, c'est qu'on, pour la première fois, on a caractérisé les habitats des micro-organismes en termes de type de sol, de mode d'usage, de géomorphologie, de climat. Ouais. Alors, donc, allez, deux exemples, pardon. Une région est un bon sol, entre guillemets, et une région avec un sol plus pauvre. Historiquement, on fait de l'agriculture sur des bons sols, qui sont physico-chimiquement et biologiquement très bons. Donc c'est tout le nord-est, avec des sols à texture fine et des pH alcalins. Et puis naturellement, on a des sols un peu plus appauvris dans les Landes, parce qu'on est sur des sols sableux acides, avec une matière organique un peu récalcitrante. Mais les Landes ont naturellement moins de biodiversité, parce qu'on a des sols qui sont naturellement riches ou pauvres. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Il vient de paraître, c'est l'Atlas français des bactéries du sol de la France métropolitaine chez Biotope Édition avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis Marc-André Sellos, rappelez-nous le titre de votre dernier livre dont on avait parlé largement, abondamment ici. Jamais seul, c'est microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Voilà, c'est chez Actes Sud. Et puis il y a une vidéo aussi sur YouTube de vos cours. Hein, ce que vous donnez. Il y en a 6h30, donc il faut vraiment s'accrocher. Et justement, pour ceux qui adorent les sols et qui veulent en savoir plus, c'est en lien sur La Tête au Carré. Voilà, et on peut suivre vos cours directement à la maison. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci aux auditeurs pour les nombreuses et très intéressantes questions. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez des anti-inflammatoires et notamment du diclofénac. Et oui Mathieu, comme leur nom l'indique, les anti-inflammatoires combattent l'inflammation qui est à l'origine de nombreuses douleurs, notamment celles liées au rhumatisme. Alors il existe deux grandes familles d'anti-inflammatoires. En premier lieu, la cortisone et ses dérivés qui sont appelés anti-inflammatoires stéroïdiens du nom de leur famille chimique. Les stéroïdes, ce sont pas des dopants ? En fait, les stéroïdes regroupent énormément de molécules, la majorité des hormones sexuelles, le cholestérol, la vitamine D, mais aussi bien sûr les anabolisants utilisés par les nageuses de l'Est dans les années 70. Mais laissons de côté les stéroïdes pour nous intéresser à l'autre grande famille d'anti-inflammatoires que vous connaissez sans doute Mathieu. Les non-stéroïdiens. Exactement, voilà, c'est ça. Ils sont très utilisés et en vente libre pour certains d'entre eux comme l'ibuprofène. On les désigne par leurs initiales AINS pour anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors, leur chef de file, c'est tout simplement l'aspirine qui leur a servi de modèle. Mais vous connaissez peut-être les noms de marques Advil, Profenid, Apranax, Felden, Voltaren. Et c'est justement du Voltaren dont je vais vous parler, ainsi que ses nombreux génériques qui contiennent tous comme lui du diclofénac, c'est le nom de la molécule chimique. Deux publications convaincantes viennent de confirmer que ce bon vieux diclofénac, commercialisé depuis 40 ans, augmente d'environ 50% le risque d'accident cardiaque grave par rapport aux autres AINS. Comme le Vioxx, par exactement. Exemple. Et merci pour cette excellente transition. Mais je vous en prie. Car il existe... Non préparé, vous en doutez bien. Pas. Car il existe un lien entre ces deux produits. Alors, faisons un peu de biochimie. Les AINS classiques que je viens de citer bloquent l'action de deux enzymes appelées COX-1 et COX-2. Alors en étant très très réducteur, disons que la COX-1 a des effets protecteurs sur l'estomac, alors que la COX-2 produit de l'inflammation. Et l'industrie a donc cherché et fini par trouver des molécules qui ne bloquent que la COX-2 et préservent la COX-1, notamment ce fameux Vioxx. Alors l'idée était séduisante, hein, lutter contre l'inflammation mais sans irriter l'estomac. Malheureusement, notre métabolisme est complexe et souvent imprévisible, et bloquer uniquement la COX-2 peut provoquer des accidents cardiovasculaires imprévus, comme on l'a découvert tragiquement avec le Vioxx retiré du marché en 2004. Or, notre Voltaren, notre diclofénac, comme ses génériques, présente la caractéristique de voir son activité varier au cours de la journée, activité parfois comparable à celle du Vioxx en ne bloquant que la COX-2. C'est une explication possible et plausible à cette augmentation du risque cardiaque qui est absente ou infime avec les autres ANS, notamment l'ibuprofène et le naproxène. Mais c'est toujours sur le marché, là, Dominique ? Ben oui, mais à mon avis, le retrait va pas tarder. Hein. Mais c'est toujours long de se mettre d'accord à l'échelle européenne. C'est bon. Comme ça, les groupes. Ben, vous nous donnerez des nouvelles, alors. On entendra à la radio, à mon avis. Et puis, on peut également réécouter cette chronique sur franceinter.fr. Merci beaucoup, Dominique, et à la semaine prochaine. À mardi.